Bien-aimé, je vous dis bonjour. Bien-aimé, je vais juste vous faire mon petit témoignage. Je fais ce témoignage pour rendre grâce à Dieu parce que je suis reconnaissant à l'acte que l'Éternel des armées a posé sur moi. Jésus-Christ a dit, il le dit à tout le monde, les yeux dans les yeux, personne, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Personne. On ne vient pas vers moi par hasard. Pour venir vers moi, c'est le Père qui t'attire. Et Jésus dit, Dieu, vous avez entendu parler de Dieu. Personne ne le connaît si ce n'est que moi. Et à qui je veux le révéler. Aucun ange ne peut te révéler Dieu. Aucun homme ne peut te révéler Dieu. C'est Jésus qui le connaît et qui peut te le révéler. Un ange ne peut pas te révéler Dieu. C'est pourquoi il y a eu des sectes qui ont reçu comme des mormons et d'autres sectes qui ont reçu la parole venant des anges. La Bible dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils veut le révéler? Un ange ne peut pas te révéler Dieu parce qu'il ne le connaît pas entièrement. C'est le Fils qui le connaît. Moi, je fais le témoignage pour remercier le Père qui m'a aimé et qui m'a pris la main dans la main et m'a amené vers son Fils pour que Jésus-Christ s'occupe de moi. J'étais en classe de première au Gabon, au lycée Léon Mba. Quand le diable me frappe d'une maladie, j'ai tourné dans tous les hôpitaux, on m'a fait tous les tests de sel, de sang, même les crachats, d'urine, tout. Même dans les cliniques où c'est payant, on n'a rien trouvé. C'est alors qu'on me présente un grand marabout qui avait une certaine réputation dans le coin, puisque même les hautes personnalités des grands commerçants, on venait le voir. Parce qu'il y avait des résultats avec ce marabout. Mais il demandait de l'argent. On m'amène là-bas. Il m'a consulté. Il m'a cité les noms de certains membres de ma famille. Il m'a dit, ton cas, ça va être un peu compliqué, mais ce n'est pas grave, je réussirai à te guérir. Parce qu'il faut que vous sachiez pourquoi j'étais avec un marabout. C'était parce que j'étais malade. Il ne me donnait pas un centime. Non, j'étais avec lui pour un long traitement. Mais plusieurs fois, il m'a amené dans la brousse. Il n'a pas pu me guérir. Zéro des lavements de corps. On allait la nuit, on allume des bougies. Il invoque les esprits, il m'amène dans l'eau. Il a fait plein de trucs. Aucune guérison. La maladie était là. Je souffrais de quoi? C'est-à-dire, bien-aimé, de mon corps, de mon des pieds jusqu'à la tête, je sentais dans ma chair des aiguilles qui se baladaient dans mon corps. Et ça faisait mal. Ça se baladait partout. Je sentais des aiguilles se promener dans mon corps. Puis, bien aimé, quelle douleur. Quand les aiguilles arrivaient au niveau du cœur, ça piquait comme ça, tchoc, tchoc, tchoc, au niveau. Oh là là, quelle douleur, quelle souffrance. Même si je dormais, je me réveillais. Ça faisait trop mal quand les aiguilles viennent piquer le cœur. Bien aimé, l'hôpital n'a rien trouvé. On m'a fait des piqûres. J'ai vu des comprimés, zéro. Le marabout me dit, moi je peux régler le problème. Je demande telle somme. On lui a donné l'argent, mes parents. Et j'étais avec lui. Comme je devais faire un long traitement, c'est pourquoi il m'a dit, ok, comme avec toi c'est un long traitement, parce que les sorciers de ta famille et la deuxième femme de ton père est derrière ton problème. C'est la sorcellerie. Ça va prendre un peu de temps. C'est pas grave. Mais moi, je connais mon pouvoir. Ne crains rien. En attendant, quand je fais les consultations, tu vas me donner un coup de main. C'est-à-dire que dans ce cahier, quand je consulte quelqu'un, toi, tu vas écrire tout ce que je dis dans le cahier. C'est pourquoi je faisais office de secrétaire. En fait, je n'étais pas là pour ça. J'étais pour suivre un traitement. Parce qu'il faut que vous le sachiez. Un jour, alors que j'attendais que ma grande soeur prépare, parce que je voulais manger, après aller me balader chez des amis, je me suis suis mis dehors, à la véranda. Il était 13 heures. Je ne dormais pas, j'étais dehors. Quand je regarde le paysage, mes yeux se sont promenés vers le ciel. Et qu'est-ce que je vois au ciel? Un feu puissant. Ça partait, boum, et ça envahissait tout le ciel. Un feu puissant. Et puis j'ai baissé le regard. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois là? Je lève encore les yeux, boum, le feu prend encore tout le ciel. Je baisse à 3 reprises. J'ai eu le choc de ma vie. Je suis rentré dans la chambre, allé pleurer. Je me suis dit, je suis un homme mort. Un homme mort. Il faut que vous sachiez comment Jésus-Christ a opéré pour casser l'incrédulité qui était en moi. Si aujourd'hui je suis chrétien, il a fallu que Dieu pose un acte fort pour casser l'incrédulité qu'il y avait ici. Parce que moi, samedi, avec mes amis, on cherchait des vers. Parce que dimanche matin, on doit aller à la pêche. Mais dimanche, c'était la pêche avec mes potes. Il n'y avait pas d'église. Je n'avais jamais ni pris à l'église un jour. Je n'étais ni catholique, ni protestant, rien du tout. Un païen. Je me disais, je n'irai pas en enfer. J'ai tué qui? Parce que je croyais que Dieu envoie en enfer que des assassins. Je rentre dans ma chambre. Je viens fermer ma fenêtre. Parce que la fenêtre de la chambre était ouverte. Quand je regarde, je vois encore le même feu. J'ai fermé la fenêtre. Je tombe sur mon lit à pleurer. Je me suis dit, je suis un homme mort. Comment se fait-il qu'il y a du monde dehors? Eux ne voient pas ce feu. C'est moi qui le vois. Pourquoi? Mais je n'avais pas d'explication. Je suis resté dans la chambre jusqu'à 20h. Quand je sors de la chambre, je regarde les étoiles. Je me promène dehors. Je ne vois plus le feu. Je me suis dit, peut-être demain, quand il y aura la journée, peut-être je verrai ce feu que quand c'est la journée. Le lendemain, je me promène. Je ne vois pas le feu jusqu'à aujourd'hui. Mais je n'avais pas d'explication. Quand j'ai commencé à raconter ça aux gens, les gens m'ont dit, tu es sorcier. Comment se fait-il que d'autres personnes n'ont pas vu ce feu? C'est toi qui l'as vu. Toi là, tu n'es pas saint. Quand les gens ont commencé à me dire ça, j'ai fermé ma bouche. J'ai dit, je ne raconte plus. Mais je n'ai pas d'explication. Quelques temps après, une nièce à mon beau-frère vient à la maison parce que son mari la tabassait. Et la famille lui avait dit, mais l'homme là va te tuer, mais tu vas mourir là, pourquoi? Est-ce que c'est le seul homme? Tu ne peux pas trouver un autre homme. Et ce jour-là, le monsieur venait de lui porter main. Elle est venue à la maison, beau frère, pardon, est-ce que tu es occupé? J'ai besoin d'un coup de main, je cherche les gens pour m'aider à aller prendre mes bagages. Il m'a encore tapé, aujourd'hui je le quitte, aujourd'hui c'est fini. Je lui ai dit non, je n'ai rien à faire. On est parti, pendant qu'on mettait les trucs dans la voiture. Comme elle avait une Bible, elle était protestante. Sa Bible est tombée. C'est alors la première fois dans ma vie de tenir une Bible. Et je commence à lire par curiosité. Et je trouve dans la Bible, au commencement, Dieu créa Adam. Mais ça m'intéresse. Et j'ai envie de connaître la suite. Parce que quand j'étais au lycée, la matière où vraiment j'avais des 17 sur 20, c'est l'histoire Job en particulier, l'histoire. Parce que quand on nous racontait les histoires de la panthère et la tortue, nous on était encore des enfants, des histoires que le papa ou maman vous raconte le soir. Les gens dormaient, mais moi je restais éveillé. Parce que j'ai toujours aimé les histoires, je voulais toujours connaître la fin de l'histoire. C'est ça. Et j'ai commencé à lire la Bible. Je dis, pardon, est-ce que tu peux me permettre de lire ta Bible? Il m'a dit, beau frère, faut pas garder longtemps ma Bible. Parce qu'à chaque fois que je dors la nuit, moi je mets ça sous le thé d'orier, ça me protège contre les sorciers. Parce qu'il y a des personnes qui croient que si on place la Bible sous le thé d'orier, la sorcellerie ne peut pas t'atteindre. Je te dis que c'est un mensonge. C'est des histoires. Donc elle m'a donné la Bible et j'ai commencé à lire. Je vous dis, en 3-4 jours, j'étais au milieu. Je mangeais la Bible. C'est alors que j'arrive sur Moïse et le buisson Adam. Dieu qui parle à travers un feu sur un buisson. Je me suis dit, ah, Dieu parle à travers un feu. Et comme on dit toujours que Dieu habite le ciel, donc le feu que Moïse voit là, c'est le feu que j'avais vu là-bas. C'est là où je fais la liaison. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et comme elle voulait sa Bible, parce qu'elle m'avait dit ne garde pas la Bible longtemps, je suis allé au marché Mongoué à Libreville, j'ai acheté ma Bible. J'ai commencé à lire. Je ne fréquentais aucune église. Partout, quand tu me rencontrais en ville, j'avais ma Bible avec moi. Partout, je me baladais avec. Il y avait des moqueurs qui me disaient, hey, pasteur, c'est comment? Toi, tu te balades avec la Bible partout. C'est comment? Tu veux être pasteur? Moi, ça me... j'en ai rien à foutre. Je lisais ma Bible. La nuit, quand je partais au lit, il faut lire. Alors que je ne fréquentais aucune église. Quelques jours après, je m'en vais rendre visite à un ami. Cet ami habite à Akébé et nous, on était au quartier plein ciel à Wenge. Entre Akébé et Wenge, il y a un grand marécage. Pour contourner le marécage, il faut passer par la route, il faut aller faire un long détour. Mais les habitants des deux quartiers ont fait une petite piste dans ce marécage, c'est-à-dire la boue et des hautes herbes. On a posé des petits troncs d'arbres qui partent d'un bout à l'autre sur le marécage, mais les bois ne sont pas fixés. C'est-à-dire qu'ils ont mis sur le trajet, ils ont planté des piquets. Quand tu dois t'accrocher à des piquets pour ne pas glisser, parce que si tu glisses, tu as la boue jusqu'au nombril, tellement il n'y a que de la boue et les hautes herbes. Quand tu passes là, il faut aller doucement à la vitesse de caméléon. Moi, je m'en vais rendre visite à un ami. Après la visite, je dois rentrer chez moi. Je me suis dit, si je veux passer par la vraie route, c'est trop loin. Je vais passer par le raccourci. J'arrive alors au niveau du marécage. Je commence à placer. Quand tu mets le pied au début du bois, le devant du bois se lève parce que les bois ne sont pas fixés. Les bois glissent sur la boue. C'est pourquoi il faut s'approcher et aller doucement pour ne pas glisser. Parce que quand tu mets le pied sur le bois glisse dans la boue. Il faut s'approcher. Je n'ai même pas fait 5 mètres. Dans le marécage, j'entends derrière moi quelqu'un qui cogne les pieds. La personne est pressée. Je m'accroche sur le bois, je me tourne. Une petite fille, elle devait avoir 5 ans. Donc moi, je m'accroche comme ça pour la laisser passer. Elle est passée en courant. Et elle a couru comme une flèche. Et pourtant, c'est un truc à peu près de 200 mètres. Et quand elle courait, les bois allaient dans tous les sens. Parce que les bois n'étaient pas fixés. À cause de la vitesse, les bois, les troncs allaient dans tous les sens. J'ai crié. Oh, comment se fait-il que cette petite arrive à courir ici? Moi, je n'arrive même pas à avancer. Quel courage! J'ai pris mon temps. Le temps pour ne pas glisser. Je pose le pied doucement. Le bois glisse. Je pose encore l'autre pied doucement. Quand j'arrive de l'autre bout, sur la terre ferme, je regarde comme ça. La petite fille est là, les bras croisés. Elle me fixe le regard. Moi, je suis dans l'étonnement. Attends, elle fait quoi là? Elle me tend un autocollant. Quand je prends l'autocollant, je veux le lire. Elle a refait le sens retour, toujours en courant. Le sens retour, je l'ai vu comme ça disparaître à travers les hautes herbes. Elle a refait le sens retour. Je regarde l'autocollant. Dieu existe. C'était marqué sur l'autocollant. Dieu existe. La Bible est sa parole. Cet autocollant, jusqu'à aujourd'hui, est sur la porte de ma chambre. Je l'ai laissé au Gabon. Dieu m'a montré le feu. J'ai eu la réponse par le buisson ardent de Moïse. Deux, une petite fille qui vient, je ne sais où, qui me donne un autocollant. Dieu existe, la Bible est sa parole. Je me suis dit, c'est bon. Dieu existe. Avec le feu que j'ai vu et avec ce que je viens de voir là, je ne connais pas cette petite fille. C'est un signe de Dieu. J'ai considéré ça comme un acte de Dieu. C'est ça qui a cassé l'incrédulité qui était à moi. Maintenant, il fallait aller dans une église. Parce que quand Dieu commence quelque chose, il le parachève toujours. Dieu ne s'arrête pas au milieu. Un jour, je m'en vais en ville. Je croise deux jeunes, une fille et un garçon sur un trottoir. Ils m'ont parlé de Jésus. Je leur ai dit, moi, vous pouvez me dire où se trouve votre église. Parce que Dieu vient de me convaincre par l'autocollant et par le feu. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'est d'aller dans une église. Où se trouve votre église? Ils m'ont indiqué, tu vas à tel endroit, l'église se trouve là-bas. On était samedi. Dimanche, je suis allé dans cette église. J'avais ma Bible. Personne ne m'avait dit que Dieu peut guérir. Personne. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Parce que moi, je ne fréquentais pas les églises. Quand j'arrive là-bas, l'évangéliste qui prêchait a prêché. À la fin, je veux faire l'appel. Il y a des personnes. Ils ont tourné à l'hôpital. L'hôpital ne trouve rien. Ils sont allés chez des marabouts, des féticheurs. Rien. Tu as une maladie. Cette maladie est d'origine spirituelle. Il n'y a que Jésus qui peut te guérir. te reconnais dans ce cas. Venez devant moi. Personne ne m'avait dit que Dieu guérit. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je me suis levé parce que je me retrouvais dans cet appel. Je suis allé devant. Cet évangéliste n'a pas imposé les mains aux gens. Il n'a touché personne. Il a seulement dit aux personnes qui étaient devant, posez vos deux mains sur la tête. Et lui là-bas devant, il allait prier. Et la prière n'était même pas longue. Seigneur Jésus, Seigneur, c'est toi qui guéris. Je te présente ces personnes. Seigneur, ces personnes viennent à toi. C'est toi qui guéris. Je te prie de les guérir, Seigneur. Seigneur Jésus, une petite prière. Et il a dit, amen. Nous, on est retournés à notre place. Bien-aimé, au bout de deux, trois jours après, jusqu'à ce jour, la maladie est partie, la maladie des aiguilles. Bien-aimé, je n'avais que la peau sur les os. Je ne dormais plus, j'avais des douleurs tout le temps. Dans toute ta chair, du pied à la tête, tu sens comme ça. Dans toutes les parties du corps, on dirait que les gens sont en train de te piquer avec des aiguilles. C'est la maladie que j'avais. Jésus me guérit. Je ne sens plus rien. J'ai dit, merde, j'ai pris ma Bible. Je suis allé voir le marabout. Je suis allé voir le marabout. Oh, t'es dit, quand tu m'as vu. Oh, tu es en forme. Je dis, oui, c'est Jésus. Comment ça? Je dis, oui, on a prié pour moi à l'église. Je ne sens plus la maladie. Ah bon? Non, je suis guéri. Et je lui ai parlé de Jésus. Il était là me regarder comme ça. J'avais l'autorité. C'est-à-dire, devant lui, c'est comme je parlais à un enfant. Alors qu'avant, je le craignais. Parce qu'il faisait de la magie noire. Parce que je voyais des trucs de magie, des miracles magiques qu'il faisait. Je voyais ça. Je le craignais. Mais ce jour-là, avec la preuve de la guérison de Jésus, je l'ai parlé comme un enfant. Avec confiance en Dieu. Jusqu'à ce jour, je suis avec Jésus comme ça. C'est comme ça que Jésus m'a guéri. Puisque j'étais avec le marabout pour un long traitement, ça c'est ce qu'il m'avait dit. Maintenant que Jésus a réglé mon problème au quart de tour, je vais encore faire quoi auprès de lui? C'est ce qui m'a fait partir de lui. C'est comme ça que je suis parti. Parce que j'étais là pour le traitement. Comme Jésus m'a déjà guéri, je vais encore faire quoi là? Je suis parti, il ne m'a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Alors je me suis dit, il faut être reconnaissant dans la vie. Je vais aller chercher cette petite fille pour lui donner un cadeau. Bien-aimé, j'ai fait le tour du coin. Co-co-co. Monsieur, bonjour, bonjour. Vous avez une petite fille dans la maison? Non, on n'a pas de petite fille. J'ai tourné, cogné de maison en maison. Dans tout le coin. Et quand les gens me disaient, on a une fille. Elle est où? La petite venait. Rien à voir avec la petite que j'avais vue. Rien à voir. J'ai sillonné tout le coin. Je voulais offrir quelque chose à cette petite fille. En guise de remerciement. Aucune petite fille qui ressemblait à cette fille. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à quand je suis venu en France. Dieu est grand. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il me montre le cœur. Il envoie une petite fille me donner le chocolat. Et il met deux jeunes sur un trottoir pour me montrer l'église. Je vais à l'église. Il me guérit. Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi qu'il pleure ou qu'il neige, je serai avec Jésus comme ça. Bien-aimé, c'est comme ça que je suis parti du marabout. Du marabout, c'est pourquoi je peux parler des choses de fétiche, parce que j'ai vu de mes yeux. Je suis resté à côté de lui pendant 2 ans. Parce qu'il m'avait parlé d'un long traitement. Dieu est grand. C'est Jésus qui m'a sauvé. C'est Jésus qui m'a donné la guérison. C'est Jésus qui m'a délivré des fétiches. C'est pourquoi le Seigneur, avant de quitter le Gabon, il m'a révélé mon appel. Je ne parle pas de Jésus-Christ par envie. Parce que dans le livre de Philippiens, l'apôtre Paul parle des personnes qui prêchaient Christ par envie. Par envie. Tel est pasteur, moi aussi je vais être pasteur. Tel est bishop, moi aussi je vais devenir bishop. Moi, ce n'est pas par envie, c'est par révélation. Le Seigneur m'a révélé mon ministère. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, je suis avec le Seigneur Jésus. Bien-aimé, c'est avec plaisir que je vous fais mon témoignage. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.